بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نحمد الله جل وعلا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا علما نافعا وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه كما نسأل الله جل وعلا كما نسأله جل وعلا التوفيق والسداد وبعض كما تعلمون جميعا فنحن نعيش في زمن الفتن وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذا الزمان وبهذه الفتن بهذه الأيام التي نعيش فيها والله سبحانه وتعالى قد أنزل الكتب وأرسل الرسل رحمة للعالمين ولهذا نسأل الله جل وعلا الهداية والسداد والتوفيق ونسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا. Donc mes frères, vous savez que le prophète عليه الصلاة والسلام, lorsqu'on observe la tradition du prophète Mohammed, le prophète nous a informé d'une époque, d'une période où des troubles vont se propager et où les jours seront difficiles pour les croyants du fait de pratiquer leur religion et d'être sur le chemin droit et sur la droiture. Et parmi ces troubles dont le prophète alayhi salat wa salam nous a informé, les dérives et le fait que beaucoup de gens vont quitter le chemin de la sunna et vont quitter les enseignements du prophète alayhi salat wa salam pour suivre des chemins tracés par Iblis, par Shaytan. Alors beaucoup de gens penseront bien faire alors qu'en réalité, en pensant qu'ils se rapprochent d'Allah, ils seront en train de s'éloigner d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, vous n'avez qu'à observer la tradition du prophète, sallam, et les récits qui sont rapportés d'après notre prophète, alayhi salat wa sallam, où les récits sont clairs et explicites. Le prophète dit dans un hadith, « Usikum bi taqwallah » والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث. Parmi, à titre d'exemple d'un hadith, le prophète sallam dit: celui d'entre vous qui vivra verra de nombreuses divergences. Et avant ça, il dit: je vous recommande at-taqwa. La taqwa, traduction relative, la piété, la crainte, at-taqwa, il y a une explication. Al-Muhim, de manière relative, le prophète sallam recommandait at-taqwa. Et la taqwa, c'est la plus grande recommandation et exhortation. C'est pour cela que dans le Coran, lorsqu'Allah s'adresse aux croyants, il dit: Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah, dans de nombreux versets. Ayyuhannas, ittaqullah. Ô vous les gens, craignez Allah. Ô vous les croyants, craignez Allah. Donc Allah tabaraka wa ta'ala appelle et exhorte les croyants à avoir ce qu'on appelle at-taqwa, la crainte ici. De même, le prophète, alayhi salat wa salam, dans sa tradition, il exhorte les croyants et dans un hadith, il dit: Usikum bi taqwallah, je vous recommande la piété, at-taqwa, la crainte d'Allah, même si c'est un esclave abyssin qui vient vous gouverner. parce que celui d'entre vous, et il dit, je vous recommande la taqwa, l'écoute et l'obéissance, même si c'est un esclave abyssin qui vient vous diriger, car celui d'entre vous qui vivra verra de nombreuses divergences. À vous ma sunna et à la sunna des quatre califes bien guidés. Donc le prophète, dans ce hadith, à titre d'exemple, nous informe qu'il va venir une époque où il y aura de nombreuses divergences, des opinions différentes, des avis, chacun va rapporter son avis, chacun va rapporter sa conception de l'islam, comme lui la voit. Dans tous les cas, le prophète sallam dit de nombreuses divergences. Donc ça, c'est un mal. Et comme il est dit, pour chaque mal, il y a son remède. Et pour chaque mal, Allah tabaraka wa ta'ala a descendu son remède. Et le prophète sallam, lorsqu'il nous informe de cette réalité amère, ici, il nous dit la solution à cela, lorsque vous allez vivre dans cette réalité-là, dans ce contexte-là, dans cette époque-ci, lorsque les divergences vont se propager, il dit « Alaykum bisunnati » à vous, ma sunna. Tu n'auras pas de choix si ce n'est de t'attacher à la sunna du prophète, alayhi salat wa salam. Et il dit à la sunna des quatre califes, bien guidés. Ça, n'importe quelle personne peut venir à toi avec des solutions au mot, pluriel de mal, avec des solutions au mot, mais s'il ne te recommande pas la sunna, alors ces solutions ne sont pas cohérentes avec la religion et le Coran et la sunna. La solution, c'est l'attachement à la sunna. C'est pour cela que la sunna a été comparée avec l'arche de Noé, de Nuh, alayhi salam, l'arche de Nuh. Celui à l'époque de Nuh qui n'est pas monté dans l'arche avec Nuh, qu'est-ce qu'il s'est produit ? Il a péri. Personne à l'époque de Nuh, lorsque le déluge allait arriver, pouvait être sauvé de ce déluge, si ce n'est qu'il monte dans l'arche de Nuh, alayhi salam, avec Nuh, alayhi salam. Les savants, dans une belle parole, ont comparé la sunna avec l'arche de Nuh. Si tu veux être sauvé, alors monte dans l'arche de Nuh, c'est-à-dire accroche-toi à la sunna. Celui qui ne va pas faire cela, alors il ne sera pas sauvé, il va périr. Il va périr. Dans de nombreux hadiths encore, le prophète sallam dit des fitanes, il y aura des fitanes, des troubles. Et les hadiths sont nombreux. Je vais en venir regarder maintenant à l'époque du prophète alayhi salat wa salam, après son ère, à l'époque des compagnons du prophète alayhi salat wa salam, après ces enseignements-là, quelle était et comment était la période des compagnons du prophète alayhi salat wa salam, et quelle était l'observation des compagnons du prophète à leur époque. Ensuite, vous comprendrez mieux les troubles que vous vivez à cette époque. Alors, à l'époque des compagnons du prophète, je vous mentionnais dans un livre qui est immense, un grand savant a écrit Al-Hawadith wal-Bida'. Al-Hawadith wal-Bida'. C'est un savant du 6e siècle, moitié du 6e siècle. Donc c'est un savant qui a vécu à la moitié du 6e siècle, qui est connu ici, Abu Bakr Muhammad ibn al-Walid al-Turtushi al-Maliki. Al-Maliki, al-Turtushi, son livre est célèbre en ce qui concerne l'innovation al-Bida'a, les hérésies et les innovations dans la religion, al-Bida'a et les innovateurs. Il a rédigé un livre en l'an moitié 6e siècle, c'est-à-dire qu'il est décédé en 530 de l'Hégire. Donc il vient bien avant l'ère de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il vient avant l'ère et l'époque de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et avant Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala. Pourquoi ? Parce que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah est décédé en l'an 8e siècle, c'est-à-dire en 728 de l'Hégire. 728 de l'Hégire. Décéda Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et après ensuite son grand élève Ibn Qayyim rahimahullah. Ce savant lui est un savant du qui est décédé en 530 de l'Hégire. Regardez ce qu'il dit. Dans un de ses chapitres, lorsqu'il parle de l'innovation, il dit « منهج الصحابة في إنكار البدع وترك ما يؤدي إليها » Chapitre, le منهج, le منهج des compagnons à leur époque dans leur désaveu de l'innovation de l'bid'a « وترك ما يؤدي إليها » et du fait de délaisser ce qui mène vers elle. Al-bid'a, l'innovation. À savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au début de ses sermons, il disait wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. Et toute innovation est un égarement et tout égarement mène en enfer. Tout égarement mène en enfer. Donc il n'y a pas ce qu'on nous véhicule de bonne innovation, al-bid'a al-hasana, de mauvaise innovation, toutes les bid'a sont mauvaises. Toutes les bid'a sont mauvaises. Pourquoi? Car le prophète alayhi salat wa salam a dit kullu bid'atin dalala. Toute innovation est un égarement. Et le prophète nous informe que tout égarement ensuite mène en enfer. Mène en enfer. Quel était le minhaj des compagnons à leur époque lorsqu'ils virent des bidards ? Et quelle est l'observation des compagnons à leur époque par rapport à l'époque dans laquelle ils vivaient ? Observez ces paroles que je vais vous lire, qui sont rapportées. Ensuite, si eux, les compagnons, ont constaté, ont fait leur constat de leur époque, quel est notre cas lorsque vous allez écouter ça ? قال المؤلف رحمه الله. L'auteur dit فمن ذلك ما روى البخاري في كتاب الصلاة عن أبي الدرداء وعن أم الدرداء قالت دخل علي أو دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له ما لك ما لك فقال والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا إلا أنهم يصلون جميعا رواه الإمام البخاري. Il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il rapporte dans le livre de la prière. Vous savez, l'authentique de al-Bukhari, il y a des livres. Il y a des livres. C'est-à-dire, dans le sommaire, il va mentionner des hadiths par thème. Et ces thèmes sont appelés kitab. Donc, dans le livre de la prière, il mentionne un récit qui est rapporté de Darda, la femme du célèbre compagnon Abu Darda. Elle dit, un jour est rentré Abu Darda, son mari, le célèbre grand compagnon ici, qui est célèbre Abu Darda parmi les savants, parmi les compagnons du prophète, alayhi salat wa salam. Sauf qu'elle dit, et c'était son épouse, son mari, elle dit qu'il est rentré en colère à cette époque. Il est rentré en colère. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu as ? Il dit, Wallahi, par Allahi, ma a'rifu fihim. Je ne reconnais rien chez eux. Chez qui ? Vous savez qui ils visent ? Qui est-ce qui me répond ? Les gens de son époque. Il rentre chez lui en colère. Elle lui demande, son épouse, qu'est-ce que tu as ? Et il dit, par Allah, je ne reconnais rien en eux, chez eux. « Min amri Muhammadin alayhi salatu wassalam » parmi le commandement ou les ordres de notre prophète alayhi salatu wassalam ou l'affaire de notre prophète, l'affaire de Mohammed alayhi salatu wassalam, illa, sauf si ce n'est la prière en groupe. Si ce n'est la prière en groupe. Le constat de ce compagnon Abu Darda à son époque, il constate chez les gens de son ère à lui, de son époque en lui, qu'il ne reconnaît rien chez eux de l'ère, de l'ordre et de l'affaire de Mohammed alayhi salat wa salam, si ce n'est qu'il prie en commun. Si ce n'est qu'il prie en commun. Rawa malikun fil muwatta an ummihi abi suhayl ou an ammihi abi suhayl ibn malikin an abi أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة إلا النداء بالصلاة. L'imam Malik disait, il rapporte dans son Muwatta, il dit, d'après son oncle, regardez, l'auteur nous signe la chaîne de transmission. L'imam Malik rapporte d'après son oncle. Son oncle, Abi Suhayr, ici, Ibn Malik rapporte d'après son père. D'après son père. Annahu qal, que son père a dit. ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. Je ne reconnais rien ici de ce que je constate des gens, si ce n'est l'appel à la prière. Si ce n'est l'appel à la prière. وذلك يعني الصحابة. وذلك أنه أنكر أكثر أفعال أهل عصره ورآها مخالفة لِمَا أَدْرَكَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّحَابَةِ. Le sens de cette parole, l'auteur dit, c'est-à-dire qu'il a désapprouvé ce que les gens de son époque faisaient. Et il voyait beaucoup de choses que faisaient les gens de cette époque qui étaient en contradiction, qui contredisaient les œuvres et les actes des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Contredisaient. وكذلك أبو الدرداء أنكر ما أدرك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعرفه من أحوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et il dit de même ce qu'on a rapporté de Abu Darda, c'est que à son époque, il dit, il voit des choses qu'il désapprouve ici, qui se sont produites après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام, alors que eux ne les connaissaient pas. Par rapport aux enseignements qu'ils ont appris du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ces exemples de récits de ce qu'ont vécu les compagnons, de ce qu'ont constaté et remarqué les compagnons après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est l'ère des compagnons, l'époque des compagnons. Quel est notre cas à nous, près de plus de 14 siècles, près de 15 siècles plus tard? Vous pensez que l'affaire, tout ce que vous allez voir des musulmans sera conforme à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam? Vous pensez qu'il n'y aura pas des hérésies, des innovations propagées? Si dans l'histoire on aura constaté que les innovations se sont propagées 7, 8, 9 siècles après l'ère du prophète et des compagnons, on aurait constaté que l'innovation peut se propager ici, on va dire, doucement, peut se propager ici avec du temps. Mais qu'est-ce qu'on constate? Que l'hérésie, elle bid'a, se propage et peut se propager très vite. Pourquoi? Parce que l'innovation et les sectes sont apparues à l'époque des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Comment à l'époque on nous dit qu'il n'y a pas de secte? Comment à l'époque on nous dit de ne pas traiter de la aqida, qu'il ne faut pas diviser alors que la division est présente? Et que les musulmans sont pris en otage et que les musulmans sont touchés par cette division. Alors ensuite, on dit qu'il ne faut pas traiter de croyances. Si ces choses qui n'étaient pas conformes à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, se sont propagées et c'était une réalité, un contexte qu'observaient les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, alors mes frères, en cette époque-ci, vous allez voir des choses, al-ajab ou al-ujab, comme vous allez voir dans ce qui va suivre. On continue. On continue, je vous fais juste cette petite annotation. Comment profiter des constats des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam? Si leur constat c'est de dire, je ne reconnais d'eux que la prière en commun. ces gens-là se disaient musulmans ? Naram. Naram. Nous, Asil, on continue, regardez. وَقَالَ الزُّهْرِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Donc notre science, on ne l'apprend pas d'une philosophie nouvelle, ce n'est pas de la spéculation, c'est les textes. Le Coran, la tradition du prophète, avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Ce n'est pas une nouvelle compréhension, ce n'est pas une nouvelle conception des choses. Et comme vous allez voir, que beaucoup de choses qui se passent à l'heure actuelle, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ, par la grâce d'Allah, vous allez voir la richesse de cette religion. Alors que des gens, avec nos termes à nu, tombent, on va dire, stupéfaits face à des choses qu'ils peuvent constater de la réalité de notre époque, les musulmans, eux, ne sont pas stupéfaits ni étonnés, on le savait déjà. On le savait déjà. C'est-à-dire que on n'a pas attendu 15 siècles pour s'asseoir, faire une réunion et se dire, après observation, qu'il y a des innovations, où il y a des dérives dans notre religion, où il y a des choses qui n'étaient pas connues, qui sont nouvelles. Comment, eh ben, comprendre ces choses-là ? Ça date des premiers siècles. Ce que vous entendez à l'heure actuelle, c'était existant. Ça s'est produit à l'époque des compagnons du prophète, al-salat wa salam. Il n'y a rien de nouveau. Et le prophète, al-salat wa salam, a averti contre ces choses-là. Sauf que les gens n'ont pas préféré être prévenus. Ils ont préféré vivre les fitanes, les troubles, plonger dans ces troubles avant d'être prévenus. Regardez encore. قال الزهري. الزهري, parmi les grands imams de cette communauté, parmi nos pieux prédécesseurs, قال دخلت على أناس وعلى أناس بدمشق وهو يبكي فقلت له ما يبكيك فقال ما أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت. Il est rapporté dans, ici, un récit, comme on a dit, de Zohri. Regardez ce qu'il dit. Dans ce récit, Zohri dit qu'il a rencontré Anas. Anas, le célèbre compagnon. Regardez le mérite de Zohri qui a vécu à l'époque de compagnon. Il rencontre Anas. Qui était Anas ? Anas, qui était un des compagnons, et surtout il s'est distingué du fait qu'il a servi le prophète alayhi salat wa salam près de 10 années. Donc 10 années avec le prophète alayhi salat wa salam. Regardez. 10 années éduquées avec le messager d'Allah. Avec notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Imaginez-vous l'éducation qu'a eu Anas ibn Malik radiallahu ta'ala an, qui était au service du messager d'Allah. Imaginez-vous sa bonne croyance, sa aqida ici, et sa religion. Il dit, un jour Zohri dit, j'ai rencontré Anas à Dimash, à Damas. Et lorsque je l'ai rencontré, il était en train de pleurer. Zohri lui dit, Anas, qu'est-ce qu'il te fait pleurer ? Pourquoi est-ce que tu pleures ? Il lui dit, ma arifu shay'an mimma adraktu illa hadhihi as-salah. Je ne reconnais plus rien que ce que j'ai connu. Je ne reconnais plus rien de ce que j'ai connu si c'est la prière. Je ne reconnais plus rien de ce que j'ai connu si ce n'est la prière. Wa hadhihi as-salatu qad duyyat. Et il dit, même cette prière qad duyyat, en termes plus approximatifs en français, elle a été perdue. Ça, c'est des récits, mes frères, qui font bouger les cœurs et qui font méditer. Imaginez-vous un compagnon qui a connu l'ère du prophète, alayhi salatu wassalam, l'époque du prophète. Après le décès du bien-aimé, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, les compagnons se retrouvent seuls. Seuls, c'est-à-dire, ils ont leur Seigneur, bien sûr, mais ils n'ont plus la compagnie du prophète, alayhi salat wa salam. Et Anas ibn Malik s'est distingué du fait qu'il a vécu longtemps. Il a dépassé les 100 ans. Il a vécu plus d'un siècle. Donc il a pu observer les temps. Il a même vécu jusqu'à l'époque de l'Hajjaj ibn Yusuf. Et lui, son constat arrive à un moment, on est quand même dans l'ère des compagnons, il pleure et son constat, c'est qu'il ne reconnaît de ce qu'il observe presque plus rien de ce qu'il a connu à l'époque du prophète, et il en pleure, et il dit si ce n'est la prière, mais même cette prière, ils l'ont perdue. وفي لفظ آخر أنه قال ما كنت أعرف شيئا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد أنكرته اليوم. Et dans un autre énoncé, il dit ما كنت أعرف شيئا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قد أنكرته اليوم. Il dit dans un autre énoncé que ce qu'il a vu à son époque, à l'Iyom, il le désapprouve. En un sens relatif ici, que ce qu'il observe à son époque, c'est des choses dont il n'a pas connu et qu'il désapprouve. Qala al-Hassan. Écoutez. Qala al-Hassan. Sa'ala Abu Darda rajulun. Un homme a interrogé le compagnon Abu Darda. Faqala rahimakallah. Qu'Allah t'accorde sa miséricorde. لو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرنا هل كان ينكر شيئا مما نحن عليه؟ Un homme interroge Abu Darda, le compagnon. Il dit si le prophète alayhi salat wa salam nous vit à notre époque, est-ce que tu penses qu'il va désapprouver des choses qu'on pratique à notre époque? C'est une question pertinente. Parce que cet homme savait que les compagnons du prophète ont connu une ère, une époque, avec le messager d'Allah. Donc, lui demande, qu'est-ce que tu penses? Si le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous rejoint, vit. Il voit ce qui se passe à notre époque. Tu penses, est-ce qu'il va désapprouver des choses? Regardez ce que lui répond Abu Darda. فَرَضِبَ وَشْتَدَّ غَضَبُهُ ثُمَّ قَالْ وَهَلْ كَانَ يَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. Regardez la réaction du compagnon Abu Darda. Lorsque l'homme lui pose cette question, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Et celui qui rapporte l'histoire dit, il s'est mis en colère et sa colère s'est intensifiée. Sa colère s'est intensifiée. Et il a dit, est-ce que vous pensez, vous pensez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, connaissez ces choses, faisait ces choses que vous faites vous aujourd'hui. On est à quelle époque les frères? D'Abu Darda, de compagnons. Vous voulez encore des récits? On continue? Regardez. Qala al-Mubarak Ibn al-Fadala Salla al-Hassan al-Jum'a ثم جلس فبكى فقيل له ما يبكيك يا أبا سعيد فقال تلومونني على البكاء ولو أن رجلا من المهاجرين اطلع من باب مسجدكم ما عرف شيئا مما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما أنتم اليوم عليه إلا قبلتكم هذه. C'est des récits en arabe qui sont très forts. Il dit, cet homme-là, qu'on a cité son nom, il rapporte à l'époque de l'Hassan. Ils disent un jour, alors que l'Hassan avait prié la prière du vendredi, Al-Jumra. Alors, il s'est assis et il s'est mis à pleurer. Il pleurait. Faqil alahu, ya Abu Sa'id. Son surnom était le père de Sa'id, Abu Sa'id. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Il dit, vous me blâmez pour des pleurs. Regardez. Vous me blâmez pour des pleurs. وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. Alors que si un homme parmi les émigrants rentrait et venait. Lorsqu'il dit les émigrants, il veut sous-entendre qui? Les compagnons parmi les muhajirines, parce que vous savez, parmi les compagnons, il y avait les les émigrants et les auxiliaires, comme c'est traduit dans certains livres. Al-Muhajiroun, parmi les compagnons, les émigrants, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, ila akhiri, parmi les compagnons émigrants. Il dit, si un homme parmi les émigrants, il veut dire donc les compagnons. Prenez connaissance juste de la porte, de ce qui se passe devant, de la porte de votre mosquée, de la porte de votre mosquée, il n'aurait rien reconnu de l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est votre qibla, votre orientation vers Al-Kaaba. Ajib. Ajib. Et ces hommes, vous avez vu la réaction ? Lorsqu'ils voient que, on va dire avec nos mots à nous, les temps changent. Anas, le compagnon, a vu que les temps changeaient. Sa réaction, il pleure. Abu Darda a vu que les temps changeaient. Il s'est mis en colère. Al-Hassan a vu que les temps ont changé. Il a connu l'époque des compagnons. Al-Hassan. Il a vu que les temps ont changé. Et que même si un compagnon parmi les muhajirines voyait votre affaire, la porte de votre mosquée, il n'aurait reconnu que votre orientation vers la Qibla. Rawa al-Bukhari an Anas. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Anas. قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات. Regardez, l'imam al-Bukhari rapporte d'après Anas, le compagnon. Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, un jour, s'est adressé aux gens et leur a dit « Certes, vous faites des choses, les gens de son époque. » Regardez ce que va dire Anas aux gens de son époque, quel va être le cas s'il devait s'adresser aux gens de notre époque. S'il devait s'adresser aux gens de notre époque. Regardez ce qu'il dit aux gens de son époque, le compagnon Anas. Il dit « Certes, vous faites des choses qui, à vos yeux, sont encore plus fins, plus minimes qu'un poil, qu'un cheveu. » C'est-à-dire que vous faites des choses dont vous n'accordez aucune importance. C'est-à-dire pour vous, à vos yeux, ces choses-là sont encore plus fines que le poil ou un cheveu. C'est-à-dire à vos yeux, c'est insignifiant. Regardez ce qu'il dit. Alors que nous, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, on les considérait comme al-mubiqat. Al-mubiqat. Qui est-ce qui connaît al-mubiqat? Qu'on peut traduire par... Certaines traductions, ils disent les sept périples. Certaines traductions, ils disent les sept choses qui détruisent. Ou autres. La traduction va, traduction littérale va pas trop vous donner le sens de l'mubiqat. L'mubiqat, c'est quoi? Regardez dans un hadith, lorsque le prophète Sam dit « Ijtanibu sab'a al-mubiqat » Évitez les sept mubiqat. Certains l'ont traduit les sept périples, c'est-à-dire ces sept parmi les plus grands péchés qui vont faire périr l'individu. Dedans, il est cité Al-Shirk, l'association, le politisme. Al-Shirk fait partie d'Al-Mubiqat. Dedans, il est cité Al-Sihr, la sorcellerie, la magie. Là, je vous donne un aperçu de l'Mubiqat. Qu'est-ce que sont Al-Mubiqat? C'est mentionné dans des récits du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète va citer sept péchés qui font partie des péchés qui feront périr l'individu, s'il est commet. Parmi ces al-mubiqat, al-shirk. Regardez Anas, qu'est-ce qu'il dit ? Wa inna kunna lana'udduha 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min al-mubiqat. Ces choses de l'époque de Anas que eux voyaient, qui à leurs yeux étaient encore plus fin, plus minime que ne serait-ce le poil ou un cheveu, eh bien, il dit, nous, à l'époque du prophète, on considérait ça comme des moubiqat. Al-moubiqat. Fanzur, rahimakumullah. إذا كان في ذلك الزمان طمس الحق وظهر الباطل حتى لا يعرف من الأمر القديم إلا القبلة فما ظنك بزمانك هذا والله المستعان. Regardez maintenant, c'est une annotation maintenant de l'auteur, celui qui nous a rapporté ces récits. Regardez ce qu'il dit. On a dit, on est, l'auteur est à quelle époque ? À peu près moitié du 6e siècle. Moitié du 6e siècle. Regardez ce qu'il dit. Wallahi, ça fait très peur. Moitié du 6e siècle, il dit, après avoir cité cela, il dit, il s'adresse ici aux gens, il dit, regardez qu'Allah vous accorde sa miséricorde. Regardez qu'Allah vous accorde sa miséricorde. Ida kana fi dhalika zaman. Si c'était comme ça cette époque, si ces premiers siècles, si c'était comme ça cette époque, et que le faux est apparu déjà à cette époque, hatta la yu'raf min al-amr al-qadim, jusqu'à ce qu'ils ne reconnaissent que la qibla, alors il dit, quelle est ta pensée pour ton époque à toi ? Quelle est ta pensée pour ton époque à toi ? Est-ce que vous pensez que, maintenant c'est une question que je vous pose, que notre époque peut être meilleure, il peut avoir une amélioration ou pas ? Qu'est-ce qui me répond ? Est-ce que vous pensez que quand même avec l'évolution des temps, on peut avoir une évolution, une amélioration ? Yarni, il peut avoir une époque de trouble, ensuite il y aura une amélioration d'époque, c'est-à-dire qu'on les époques peuvent s'améliorer. Pensez que oui ou pensez que non ? La réponse est, on a tout dans le Coran et dans la Sunna. La nahtaj ila falsafa. On n'a pas besoin de philosophie. De moi, je pense, mon opinion, votre opinion, elle va être conforme avec la tradition du prophète. Regardez, le prophète a répondu. Lorsque Anas ibn Malik, les gens sont venus aux compagnons pour se plaindre des épreuves de leur époque. Donc déjà, à l'époque, les gens sont venus se plaindre à lui des épreuves de leur époque. Et en l'occurrence, plus précisément, ils se sont plaints de l'injustice ici de l'Hajjaj, ibn Yusuf. Alors, ils sont venus à Anas ibn Malik, et comme on a dit, Anas ibn Malik a vécu assez longtemps pour voir beaucoup de troubles qui s'étaient produits et propagés sur terre. Alors, lorsqu'ils sont venus à lui, ils se sont plaints. Il leur a dit, اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا ولدي بعده شر من حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم رواه البخاري. L'histoire est rapportée dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Alors Anas, lorsqu'ils se sont plaints lui, il a dit, patientez, parce qu'il ne va pas venir une époque sans que celle d'après soit pire, jusqu'à ce que vous allez rencontrer votre Seigneur. Patientez, parce que vous n'allez pas, il ne va pas avoir une époque sans que celle d'après soit pire. Donc si à l'époque Anas a constaté cela, que les gens faisaient des choses, que pour eux, à leurs yeux, c'était des choses infimes et minimes, qui n'avaient pas de valeur ici, alors que pour eux, ils considéraient ça comme un moubiqat, quelle va être notre époque ? Alors il dit, il n'y aura pas une époque sans que celle d'après soit pire. Les frères, est-ce que ça, c'est la parole de Anas ? D'un aspect, c'est lui qui rapporte, mais c'est la parole du prophète, alayhi salatu wasalam. Pourquoi ? Parce qu'après, il dit patientez, parce qu'il ne va pas venir une époque sans que celle d'après soit pire, jusqu'à ce que vous allez rencontrer votre Seigneur. Je l'ai certes entendu de votre prophète. De votre prophète. Donc c'est le prophète, alayhi salatu wasalam, qui nous enseigne qu'il ne va pas avoir une époque sans que celle d'après soit pire. On parle de l'époque du quatrième calife. À l'époque du quatrième calife, apparaît une secte. Donc après que vous avez écouté ces récits, mes frères, sachez donc, vous avez vu que l'innovation peut se propager très vite. L'innovation se propage très vite. Et une personne peut très vite tomber dans une secte et suivre une secte, une fraction égarée. Un jour, le prophète, alayhi salam, était avec ses compagnons min hadith Abdullah ibn Mas'udin radiyallahu ta'ala an. Alors qu'il était avec ses compagnons, il a tracé un long trait et dit « Hada sabilullah » « Ça, c'est la voie d'Allah ». Ensuite, il a tracé d'autres traits ici et il leur a dit « Wa hadihi subul »« Hadihi subul » Et voici des sentiers, à l'extrémité de chaque sentier, un shaitan, un diable qui appelle. C'est-à-dire que shaitan, lorsque tu veux entreprendre le droit chemin, ou bien lorsque tu l'as déjà entrepris, la chose primordiale pour shaitan, c'est de te faire dévier du droit chemin. C'est-à-dire de te faire dévier de l'islam authentique, de l'islam qu'a rapporté, que nous a enseigné le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. C'est ça son ordre à lui, c'est ça sa fonction à lui. Lui, c'est de te faire dévier. C'est de te faire dévier, de t'égarer. Or, on voit que le prophète a tracé un long trait et un seul. Et on voit bien, comme les savants disent, que le chemin qui mène vers Allah, et lorsque le prophète a dit « Hada sabilullah », ça c'est la voie d'Allah, et bon, on voit bien qu'il n'y en a qu'un. Et on voit bien que ce chemin est long. Et il mène vers Allah, il mène vers le paradis et la récompense du miséricordieux. Or, les autres chemins, il y en a plein. Et à l'extrémité de ces sentiers, de ces nombreux sentiers, il y a des shayatines. Il y a des démons qui t'appellent. Alors toi, c'est pour cela que Allah t'ordonne plus de 17 fois par jour de dire « Ihdina sirata al-mustaqim »« Oh Seigneur, guide-moi vers le droit chemin. » Et Cheikh al-Islam disait la plus grande invocation lorsqu'il a méditer, observer le Coran et la Sunna n'a pas vu une plus grande invocation si ce n'est de demander le droit chemin. Toi, comment est-ce que tu veux que chaque jour, constamment, chaque instant, chaque moment, Shaitan va t'assaillir? Qu'est-ce qu'il veut? Que tu sombres dans des dérives. Il veut ton égarement. Il veut que tu t'égares. Comment tu veux être à l'abri de cela alors que tu n'as pas de connaissance? Comment tu penses et tu es sûr que tu n'as pas sombré dans un sentier alors que ton chemin n'est pas illuminé par la science? Comment une personne qui a 6 mois, par exemple, quelques mois, quelques années, il vient à peine de connaître l'islam, comment est-ce qu'il peut penser qu'il détient la vérité, qu'il est plus savant que les détenteurs de vérité et de savoir et de science? Ce qu'Allah a fait l'éloge dans son livre, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Certes, ceux vraiment qui craignent Allah, ce sont al-ulama. Wa la yastawi alladhina ya'lamun wa alladhina la ya'lamun. Et Allah dit dans notre verset, ne sont pas semblables ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah dit dans un autre verset, Allah va élever les croyants parmi vous et ceux qui ont acquis la science en degré. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَّلَّمَ مَنْ إِلْتَمَسَ طَرِيقًا طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Celui qui entreprend un chemin vers la science, ici, Allah va lui faciliter un chemin vers le paradis. Comment certains qui n'ont aucune connaissance de la religion, aucune connaissance des textes, aucune connaissance de la langue du messager d'Allah, aucune connaissance de la langue arabe, aucune maîtrise de la langue du Coran, aucune maîtrise de la langue de l'ulama, des savants, comment est-ce qu'il peut penser qu'il est sur la vérité alors qu'il délaisse les enseignements du messager d'Allah, des compagnons, des ulama, warathatul anbiya, les héritiers du messager d'Allah? Le messager d'Allah et les prophètes et les messagers n'ont pas laissé d'héritage. c'est-à-dire d'héritage dans le sens de fortune, mais ils ont laissé un héritage qui est l'héritage de la science, du savoir. Alors certains pensent qu'ils sont donc héritiers du messager d'Allah, sans connaissance. Les savants disent, tu veux la science, on n'est pas des soufis. Ce n'est pas en une soirée, ou en une journée, ou en une semaine, tu t'assois dans une pièce ou dans une pièce sombre, ou tu t'isoles et la science va te venir et tu es un illuminé. Tu as été inspiré. Ce n'est pas ça. Hadi aqidatu soufiya. Ça, c'est la croyance de soufiya. Mais les compagnons se sont fatigués, ont connu des épreuves, les pénibilités pour avoir cette science-là. Abu Huraira, ce n'est pas en une nuit, il a eu une inspiration, il a été inspiré, il a été illuminé, il est devenu Abu Huraira, le célèbre rapporteur, compilateur des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté, il a veillé avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté à observer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à mémoriser les hadiths du prophète, alayhi salatu wa sallam. Les compagnons d'eux-mêmes, Abdallah ibn Mas'ud, Abdallah ibn Abbas, écoutez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons ont pris cette science comment ? En accompagnant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en étant avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en défendant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en lui tenant compagnie, en l'écoutant, en mémorisant et en mettant en application de ces sciences, qui est Abdallah ibn Omar, ou Abdallah ibn Abbas, ou Abdallah ibn Zubair, ou Abdallah ibn Amr ibn al-As. Plus tard viennent d'autres savants, de grands imams de la communauté. Al-Imam al-Bukhari, il a atteint la science comme cela. Alors qu'il était jeune, en une journée, il s'est dit illuminé, inspiré. Là, il a parcouru le monde. Regardez ça, ils ont fait même une carte géographique qui montre le parcours de l'Imam al-Bukhari. Et vous voyez sur la carte ici, géographique, Bukhara, c'était où ? L'imam Bukhari, à la base, n'était pas un arabe. Des fois, pour juste écouter un hadith du prophète ou ici, confirmer que ce rapporteur rapporte bien de tel rapporteur, il voyageait de l'Bukhara jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé à Médine. Et lorsqu'il arrive à Médine devant un compilateur, quelqu'un qui rapporte des récits, il voit que cet homme a une bête et il est en train de faire avancer sa bête en lui faisant croire qu'il y a une carotte ou ici, un hameçon pour la bête, alors qu'il n'y a rien. L'imam Bukhari vit cet homme alors qu'il a fait des voyages et des voyages pour confirmer, pour voir cet homme. Lorsqu'il vit cela, il dit « Je ne peux pas prendre de cet homme. » Il fait croire à sa bête, il ment à sa bête. Comment est-ce qu'il ne va pas mentir sur les hadiths du messager d'Allah ? Ahmad ibn Hanbal, qui a mémorisé 1 million de hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Ta'iba ! Il s'est fatigué pour avoir cette science, pour mémoriser la sunna, la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, ou l'imam Malik, jusqu'à ce qu'il dit que lorsqu'il a commencé à faire le fatwa à Médine, et ils l'ont surnommé le mufti de Médina, il a eu l'accord de 40 imams de son époque. C'est des gens qui ont connu l'époque des compagnons. Il n'a dit, je ne donnais pas le fatwa avant d'avoir la permission, l'autorisation de plus de 40 imams. Certains voient 70. Ouais, kada. C'est pour ça qu'il est dit, la yunal al-ilm bi rahat al-jasad. La science ne va pas s'acquérir avec le repos du corps. Il va falloir des voyages, de la fatigue et même de la dépense. Wallahi a'immatus salaf. Parmi nos grands imams des pieux prédécesseurs, ils ont dépensé tout ce qu'ils avaient. Jusqu'à ce qu'ils disent qu'il y a un père parmi nos pieux prédécesseurs, pour l'acquisition de la science pour son fils, il a vendu le toit de sa maison. Jusqu'à ce qu'ils disent que certains imams avaient reçu des héritages de leur père, une fortune, et ils ont tout dépensé dans l'acquisition de la science, jusqu'à ce que l'imam al-Bukhari avait tout dépensé ce qu'il possédait dans l'acquisition de la science, il n'avait plus trouvé ne serait-ce un vêtement pour se vêtir, il ne voyait plus l'imam al-Bukhari. Il ne pouvait plus sortir, il n'avait même pas ne serait-ce un vêtement à mettre. Il a tout dépensé dans le sentier d'Allah. Wallahi, certains sont dans le sentier de Shaitan, ils ne savent pas. Et ils pensent qu'ils sont dans le sentier d'Allah. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sheikh Al-Fawzan, Hafid Allah, il a dit par Allah, certains se revendiquent, être dans le sentier d'Allah, dans le chemin d'Allah, il dit par Allah, ils sont dans le chantier de Shaytan. A'immatul A'lam. Certains, lorsqu'on leur parle, ils pensent que c'est une affaire de bien, de dunya. Mes frères, celui qui se trompe dans la religion, s'il prend un chemin qui n'est pas le chemin du messager d'Allah, qui n'est pas le chemin de la sunna, c'est pas une question de tu as perdu de l'argent, tu as perdu un salaire, tu as perdu un bien dans sa vie d'ici-bas, c'est une question de paradis ou d'enfer. C'est une question de paradis ou d'enfer. Un jour, les compagnons ont vu un homme en plein djihad, en plein combat. Ils ont vu cet homme et les compagnons, lorsqu'ils ont vu cet homme, ils ont fait l'éloge au prophète, alayhi salatu wa salam, étonné, jusqu'à penser qu'il faisait partie des gens du paradis, étonné de cet homme. Ensuite, le prophète sallam a dit, cet homme fait partie des gens de l'enfer. Ensuite, les compagnons ont vu cet homme, ont suivi cet homme. Comment ça ? Hada Mujahid. Un combattant dans le sentier d'Allah, Mujahid. Lorsqu'ils ont suivi cet homme, ils ont vu à un moment cet homme qui était blessé et n'arrivait plus à supporter la souffrance due à ses blessures. Il a mis son épée sur le sol, il a penché sa poitrine sur l'épée et il s'est suicidé, il s'est tué. Les compagnons sont revenus et ont compris la prophétie et l'information du prophète, cet homme est en enfer. Aïna Dalil, où est le texte ? Dans le Coran, dans la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, qui autorise des attentats suicides, qui autorise une personne de se suicider. La première chose dont l'individu sera interrogé, le hadith, c'est le prophète qui le dit. Donc celui qui ne croit pas en cela, il contredit le prophète. Il dit « Awwalu ma yuqda » ou « Awwal ma yus'al al-abdu yawm al-qiyamati as-salah » La première chose dont l'individu sera interrogé le jour de la résurrection sera sur sa prière. Sur sa prière. Est-ce qu'il y a un seul hadith qui te dit que la première chose dont tu seras interrogé, c'est de faire un état, comme ils disent islamiques, ou de défendre ton voisin, ou l'autre, ou un tel, ou de te mettre dans une... de défendre une cause qu'en réalité, tu ne connais même pas la réalité de cette cause. De défendre une cause, en réalité, tu ne sais pas quelle est la réalité, en réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière cette cause. Tu seras interrogé sur ta prière, certains pense qu'ici, en se suicidant, il se rapproche d'Allah. Alors que dans un verset, Allah dit « وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا » Et ne tuez pas vos propres personnes, Allah est certes pour vous miséricordieux. Allah interdit dans le Coran, dans Surat al-Nisa, dans la Surat de la femme, Allah a interdit le suicide. Jusqu'à ce que nos pieux prédécesseurs disent un musulman qui se suicide, les imams ne prient pas sur eux. Il n'est pas dit qu'il est sorti de l'islam. Une personne, par exemple, qui a des épreuves, il se suicide. On ne parle pas de ce cas-là, attentat suicide, c'est autre chose. On parle d'une personne dans la vie, il a succombé, il est malade, il se suicide. Le suicide est haram en islam. Les imams disent que l'imam ne prie pas sur lui, ne prie pas sur ce musulman. Vu la gravité. Alors maintenant, il y a des choses qui se passent qui font partie des troubles de la fin des temps. Des troubles de la fin des temps. Il y a des choses qui se passent. Malheureusement, ils imputent cela à l'islam. Ils imputent cela à l'islam. Donc le musulman, lui, il doit comprendre, essayer de comprendre, est-ce qu'en réalité c'est conforme à sa religion ou bien ce n'est pas conforme à sa religion. Bien, ce n'est pas conforme à sa religion. Ces hérésies-là, ces troubles-là que vous voyez, que vous observez à notre époque, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. La secte de l'Khawarij, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits dans la sunna. C'est pour ça que je vous ai dit, mes frères, précédemment, que ceux qui observent la religion, les textes de notre prophète, ils vont voir des choses étonnantes. C'est que les gens sont stupéfaits à l'heure actuelle de choses qu'ils constatent, de choses qu'ils voient se propager, alors que nous, on les a dans les textes, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit dans un hadith que des gens viendront et vont saisir l'occasion des troubles et de la division. C'est-à-dire que des gens vont apparaître, et eux, ils apparaissent toujours lorsqu'il y a des troubles et de la division, des conflits. On voit bien que des groupes apparaissent, des groupes qui se revendiquent de l'islam, de la sunna, en période de quoi ? De troubles. Le prophète, alayhi salat wa salam, il est décrit d'une manière authentique dans un hadith. Hudatha ou l'islam. Ils sont jeunes. Ils seront jeunes. On voit bien que beaucoup de gens qui ont été endoctrinés, ce sont les jeunes. Le prophète dit, dans le même récit authentique, en décrivant ces gens, Soufaha ou l'ahlam. Des gens qui sont malheureusement, traduction native, stupides. Ils font des choses incompréhensibles. Et vous voyez même la stupidité, pourquoi ? Parce que dans leurs actions, ni il y a un intérêt pour eux, ni il y a un intérêt pour les musulmans, ni il y a un intérêt pour l'islam, ni il y a un intérêt pour nos sœurs, pour nos frères et pour ceux qui sont opprimés. Aucun intérêt. Et ensuite, les plus malheureux dans cela, ça va être eux. Parce que la personne qui fait cela et se croit dans le droit chemin, à présent, il va rencontrer son Seigneur. Et je vous laisse imaginer une personne qui rencontre son Seigneur, qui a mis en colère son Seigneur, parce qu'il a propagé de l'islam. Il a proposé propagé des choses de la religion d'Allah qui ne font pas partie de cette religion. C'est pour cela que les musulmans doivent apprendre, doivent comprendre leur religion. Les jeunes de France ont trop été manipulés. Pourquoi ? Par certains qui viennent de certains pays et qui exploitent l'ignorance de beaucoup de jeunes dans les quartiers. Leur ignorance de la langue arabe, leur ignorance de la religion, leur incompréhension de la religion et leur manque d'instruction dans la religion. Malheureusement. Notre discours ici est du fait qu'il y a deux hypothèses qui ne sont pas exclues. Certains pensent à l'hypothèse de la manipulation, ce qui est possible, et d'un complot contre la communauté encore, pour que, augmentant encore l'islamophobie contre les musulmans, et pour légitimer certaines choses contre la communauté musulmane. C'est possible. Mais de l'autre côté, mes frères, ne soyez pas étonnés, on a des gens de notre communauté qui sont capables de faire ces choses-là. Et que dans leur conviction, il faut faire ces choses-là. Je vous lis à l'époque des compagnons du prophète, et vous allez bien comprendre. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas nouveau. Ces choses-là ne sont pas nouvelles. Sauf que le prophète, ce qu'il a appelé le Khawarij, sachez que le Khawarij, les extrémistes religieux, le prophète nous a avertis, comme je vous ai dit précédemment dans un hadith, nous a avertis. Ce n'est pas nouveau. Les compagnons ont subi leurs méfaits à leur époque. Ils ont subi, comme vous, vous subissez les méfaits de le Khawarij et tous les préjudices ensuite que vous allez connaître par rapport à le Khawarij, Jama'at al-Takfir, les compagnons ont connu cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. Le prophète dit dans un hadith, yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyya la in adraktuhum la aqtulannahum qatl 'ad. Ils sortiront de l'islam comme la flèche sort de son arc. C'est une description aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les descriptions qu'on a données de l'Khawarij. De l'Khawarij, c'est pas quelque chose de nouveau. À l'époque, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont connu le méfait des Khawarij, je vais vous lire un récit qu'on avait déjà lu avec des frères dans des occasions précédentes, à titre de rappel. On va relire pour que vous puissiez comprendre que ce qu'on vit, ce n'est pas nouveau. Regardez les compagnons, ce qu'ils ont vécu ici. Al-Khawarij, on ne peut pas nier cette appellation. Pourquoi ? Parce qu'elle fait partie des rares sectes qui ont été mentionnées dans la tradition du prophète. Parmi les sectes qui ont été mentionnées dans la tradition du prophète, qui sont mentionnées d'une manière authentique dans les hadiths du prophète, par exemple, Al-Khawarij, Al-Qadariya. Al-Khawarij, par exemple, ou Al-Qadariya, sont mentionnés dans des textes authentiques. Maintenant, il y a une question que je pose. Est-ce que dans de nombreuses mosquées de France, vous entendez les gens, les responsables religieux, mentionner le mot Khawarij? Est-ce qu'ils ont enseigné, les responsables religieux, dans les mosquées, qu'est-ce qu'était le Khawarij? À l'époque des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et leurs héritiers à notre époque. Pourquoi ? Parce que dans un récit, il est dit « Il a qiyam sara » jusqu'à l'arrivée de l'heure, il y aura le khawarij. Donc là, on leur pose une question. Soit ils pensent que le khawarij, c'est fini, c'était une époque, et cette époque est révolue, c'était l'époque de Ali et des compagnons, cette époque de le khawarij est révolue. Alors là, on leur répondra que non, puisqu'il faut considérer d'autres récits qu'il est dit jusqu'à l'arrivée de l'heure. Ou soit ils pensent que cette secte et cette fraction n'existent pas, Al-Khawarij. Alors là, on leur citera que c'est dans des hadiths authentiques, c'est rapporté dans l'authentique de Muslim et autres. Donc qu'est-ce qu'ils pensent ? Que ça divise ? D'enseigner aux gens qu'il y a des fractions nommées comme Al-Khawarij ou Al-Qadariya et d'enseigner comment sont apparues ces fractions-là, comment s'en préserver ? Et quelles étaient leurs actions à l'époque des compagnons, et qui sont leurs héritiers à l'heure actuelle. Et ô mes jeunes, de leur dire, ô jeunes de France, préservez-vous, préservez votre religion, préservez votre au-delà. Parce que si on se trompe, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, dit que haoula, ces gens-là, le khawalij, il les a décrits comme les chiens de l'enfer. Qu'il a bi ahlin nar. Si on dit de toi que tu es un Khalidjit, avant de te braquer, avant de mal prendre la parole, fais une autocritique, rentre, réfléchis, lis le Coran, lis la Sunna, lis les enseignements des savants, regarde, peut-être tu es un Khalidji. Et celui qui t'a mis en garde contre le Khawarij, et qui te dit que tu as des caractéristiques de l'Khawarij, Wallah, il veut ton bien. Parce que si tu meurs dans cet état, tu peux faire partie des gens de l'enfer. Min kilabi ahli nar. Wallah, mes frères, salafuna salih ont divergé. Parmi les pieux prédécesseurs, certains qui ont dit que haoula l'Khawarij kuffar. Parmi les pieux prédécesseurs, certains ont considéré l'Khawarij comme des mécréants. C'est-à-dire des gens, une secte musulmane qui n'est pas de l'islam. Et d'autres les ont considérés comme musulmans, ils restent dans l'islam. Il y a deux avis chez les grands imams. Et beaucoup de savants disent l'avis le plus juste, c'est qu'ils restent musulmans. Mais lakin, ils sont quoi ? Les chiens de l'enfer. Ce n'est pas rien. Il faut se remettre en question. Il faut faire attention. Il faut préparer son au-delà. Il faut adorer Allah convenablement comme il se doit. Shaitan va vous embellir des sentiers. Les sentiers de Shaitan sont nombreux. Le sentier d'Allah, il n'y en a qu'un. La voie qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a qu'un chemin. Ce chemin-là, on le demande constamment dans nos prières, fi salat al-Fatiha. C'est pour ça qu'elle est la mère du livre. L'ouverture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous demandez la guider. Le prophète Hassan disait, « Ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. » Ô toi qui détournes les cœurs, affermis nos cœurs dans la vérité. Affermis nos cœurs dans la vérité. Affermis nos cœurs dans la vérité. Fabima arwaitani laq'udanna lahum siratak al-mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Qala Allahu jalla wa ala an shaytan an iblis fi surati al-a'raf. Qala fa anzirni ila yawmi yub'athun. Qala fa innaka min al-munzarin. Qala fabima arwaitani لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Dans sourate Al-A'raf, le shaitan dit à Allah subhanahu wa ta'ala, « Ô Seigneur, donne-moi un délai. Laisse-moi un délai. Pourquoi ? Pour que je puisse les égarer. » Dans le sens. Et Allah lui a dit, « Tu as certains délais. Tu as certains délais. » « Qala fabima aghwaytani » Il dit, « Comme tu as causé ma perte, لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. » Alors il dit, je vais venir à eux. Regardez ce qu'il dit. Regardez donc l'affaire d'Iblis. Je vais venir à eux, on peut dire dans une traduction relative, les assaillir. Par devant, par derrière, par la droite, par la gauche, par la droite, par la gauche. Et tu trouveras très peu d'entre eux reconnaissants. Les savants ont dit, regardez, cela s'adresse à ceux qui veulent entreprendre le droit chemin ou bien ceux qui sont déjà sur le droit chemin. Shaitan dit, je vais les assaillir. Il va être devant toi, derrière toi, à ta droite, à ta gauche. Il veut que tu dérives, que tu dévies, que tu t'égares. Et si tu n'as pas de science, donc ton chemin est obscur. Et sans science, tu ne vas pas distinguer entre le bien et le mal, entre la sunna et l'innovation. Et l'ambiguïté peut être très forte. Pourquoi ? Parce que les savants disent, l'ambiguïté, c'est quelque chose qui est faux, mais qui était recouvert de vérité. C'est comme vous avez un cadeau, mais ce cadeau est empoisonné. Lorsque vous allez ouvrir le paquet, il est empoisonné, c'est un piège. El-shubha. L'ambiguïté, c'est ça. C'est que lorsqu'elle présente, vous n'allez pas avoir d'un premier regard, d'une première vision, que c'est quelque chose de faux. Elle va apparaître pour vous, le faux va apparaître comme vérité. Et vous allez être convaincu que c'est la vérité. Pourquoi ? Parce que ce faux est caché, comme disent les savants. Yuratta. Il est caché, dissimulé par le vrai. Du fait, l'hérésie, la dérive, l'égarement, t'es présenté comme la vérité. Donc toi, tu es convaincu. Tu seras convaincu lorsque c'est exposé à toi que c'est la vérité. Tu vas suivre ce chemin. Tu vas tomber dans ces choubouhettes-là alors que tu es dans le faux. Alors que tu es dans le faux. Regardez, vous avez un exemple à l'époque des compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam. Regardez. Alors que, et cette histoire est mentionnée par un grand savant dans son livre Tarikh al-Aqida, Cheikh Mohammed Ahmed Jami, dans son livre L'histoire de la croyance. L'histoire de la croyance, il parle à l'époque des compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam. Alors que lorsque Abdallah ibn Abbas, lorsqu'il y a eu l'apparition de l'Khawarij à l'époque, regardez, l'Khawarij avait jugé de mécréant Ali ibn Abi Talib, le quatrième calife. Comment vous pensez qu'ils ne vont pas juger de mécréants les musulmans contemporains ? Sachez que dans leurs actions, ils touchent aussi bien les musulmans que les non-musulmans. Et le prophète nous dit dans une de ses prophéties, dans un hadith, que ces extrémistes-là, eh ben, tueront les musulmans. C'est connu. Regardez, lorsqu'ils ont essayé, et ils ont tué le quatrième calife, Ali ibn Abi Talib, ils ont essayé de tuer un autre compagnon, Muawiyah. Et ils ont assassiné des compagnons du prophète, salam, comme Abdallah ibn Khabbab. Si on a le temps, on citera, on mentionnera son histoire. Un compagnon du prophète qui était venu les exhorter. Ils l'ont assassiné. Il était avec son épouse. C'est mentionné d'une manière authentique. Il était avec son épouse. Ensuite, ils ont éventré la femme du compagnon et sorti le bébé, tué le bébé. Des gens s'étonnent. Et lorsqu'ils voient des choses entre eux, ils disent « Mais c'est terrible, naram, c'était terrible, c'est terrible, et ça sera encore plus terrible. » Si ils ne laissent pas les gens de science faire leur travail et enseigner aux musulmans à la communauté. Nos responsables religieux ne savent même pas c'est quoi le khawarij. Enfin, c'est ce qui apparaît. On n'a jamais entendu d'humain, moi, jamais entendu de leur part le mot Khalidjit Khawarij. Khawarij. Le prophète l'a cité d'une manière authentique dans les hadiths. Pourquoi il ne le cite pas, Khawarij? Ils disent que c'est des salafistes. Il est dit dans les hadiths qu'il apparaîtra des gens qui se nommeront salafistes qui feront des choses comme ça. Là, est-ce qu'on a des hadiths qui disent qu'il y aura des gens et c'est le Khawarij, cette secte-là? Naram. Pourquoi on dissimule cette science, on cache la science? C'est très grave de cacher la science. Regardez à l'époque des compagnons. Lorsque Abdallah ibn Abbas, parmi les plus grands savants, parmi les compagnons, vit cela, que des gens, à l'époque des compagnons, se pensaient plus savants que des compagnons même du prophète, alayhi salatu wassalam, ajib. Vous pouvez concevoir cela? Que des gens qui vivent à l'époque de Ali, qui vivent à l'époque de Abdallah ibn Abbas, qui vivent à l'époque des compagnons, se pensent plus pieux, plus connaisseurs. Vous allez le voir dedans. Comprennent mieux le Coran. Ils l'ont pensé. Dans ce cas-là, à notre époque, on ne s'étonne pas que des gens se pensent plus savants que l'ulama. Regardez, écoutez. Abdallah ibn Abbas, lorsqu'il a vu cela, il est parti se rendre pour faire revenir, pour exhorter ces gens. Al-Khawarij qui se sont insurgés, rebellés contre le quatrième calife. Alors il vint à eux. Il les salua. Lorsqu'il les vit, il les salua. Ils dirent, bienvenue à toi, Ibn Abbas. Quel est ce bel habit que tu portes? Alors il dit, je leur répondis. C'est Abdallah Ibn Abbas qui raconte son entretien, son débat, ici, avec Al-Khawarij de l'époque. Ce débat, cet entretien, je vous le dis pourquoi, c'est le plus grand exemple, Abdallah Ibn Abbas. Ce que vous allez entendre, vous allez écouter, vous allez tout comprendre de ce qui se passe et de la réaction de ces gens. Alors ils lui disent tout de suite, quel est ce bel habit? Ils veulent dévaloriser tout de suite Abdallah ibn Abbas. C'est des sous-entendus. Quel est ce bel habit? Quel est ce bel habit? Personne qui est censé délaisser la dunya. Une personne qui est censée être dans l'adoration d'Allah, sahib ilm, personne qui a de la science, compagnon du prophète, tout de suite il le voit, quel est ce bel habit? Encore une exagération que vous allez voir. Abdallah ibn Abbas leur dit, pourquoi me blâmez-vous? Il a compris que c'était un blâme. Pourquoi me blâmez-vous? Certes, j'ai vu le messager d'Allah portant les plus beaux vêtements. Certes, j'ai vu le messager d'Allah portant le plus beau vêtement. Première ambiguïté. Avant de lui dire c'est quoi ce bel habit, en blâmant Abdallah ibn Abbas, ils ont dû lui poser la question. Est-ce que c'est légiféré? Et Abdallah ibn Abbas leur aurait enseigné. Donc on comprend bien que pour eux, ils ont la science par rapport à Abdallah ibn Abbas. Comme à l'heure actuelle, ils ne vont pas poser la question aux savants, aux ulama. Ils vont blâmer les ulama, en pensant qu'ils connaissent mieux. Donc là, ils ont pensé qu'ils connaissaient mieux que Abdallah ibn Abbas, ils sont convaincus. Abdallah ibn Abbas leur dit quelque chose qu'ils ne savaient pas. Lui a vu le messager d'Allah. Il fait partie de la famille du prophète. Il leur dit, j'ai certes vu le prophète porter les plus beaux vêtements. Il leur a récité la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Il a cité le verset dans Sourate Al-A'raf, la Sourate 7, le verset 32. Pour ceux qui veulent revenir ensuite à l'étude du verset. Allah dit, c'est-à-dire, il s'adresse au prophète, il lui dit, dis-leur, dis. Qui interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs ainsi que les bonnes nourritures? Qu'est-ce qui interdit cela? Ils veulent interdire ce qu'Allah a rendu licite? Ou ils veulent rendre licite ce qu'Allah a interdit? Ils veulent se faire législateurs? Première réponse de Abdallah ibn Abbas. Vous avez vu comment ça commence déjà? L'époque des compagnons. Regardez. Ils dirent, qu'est-ce qui t'amène? Donc là, ils avaient l'air un peu touchés. Tout de suite, ils veulent venir au sujet. Qu'est-ce qui t'amène ? Il leur dit, je viens de la part des compagnons du messager d'Allah, des émigrés, al-muhajirin, et des ansar, pour vous transmettre ce qu'ils disent. Regardez la ni'ma. Regardez la ni'ma. Il vient de la part des compagnons du messager d'Allah. As-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladina ittaba'uuhum bi-ihsan wal-ladina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu an. Les premiers, c'est une traduction relative, ceux qui ont précédé parmi les muhajirin et les auxiliaires, ceux qui ont suivi dans le bien, radiyallahu anhum, Allah les a agréés, ils l'ont agréé. Les compagnons du prophète, imaginez-vous, vous, à leur époque, un homme qui vient à vous, qui vous dit, je viens de la part de l'muhajirin, de l'ansar, il leur donne de l'importance. Je viens vous transmettre ce qu'ils pensent. Subhanallah, il n'y a pas une plus grande science que cela. Regardez ce qu'ils répondirent. Abdallah ibn Abbas, avant, continue, il dit, c'est en leur présence que le Coran fut révélé. Et ils connaissent mieux la révélation que vous. Le Coran fut révélé parmi eux et aucun d'entre vous ne fait partie d'eux. Il leur dit clairement les choses. Le Coran fut révélé en présence des compagnons. Aucun d'entre vous fait partie des compagnons. C'est-à-dire, aucun d'entre eux, parmi aucun d'entre eux, il y avait un seul compagnon qui était d'accord avec eux. Unanimité des compagnons. À l'heure actuelle, Khawarij n'ont aucun savant. Et de source sûre, pour cela, eux, ils appellent les savants. Ils disent, nous, on n'interdit pas aux savants de venir. On n'interdit pas aux savants de venir. Et on ne leur demandera pas de porter une arme juste qu'ils propagent la science. C'est faux. Déjà, entre eux, ils s'assassinent. Qu'est-ce qu'ils vont faire de l'ulama ? Et le prophète nous dit dans un hadith qu'ils auront des beaux discours. Ils vont avoir des beaux discours, des discours émouvants. Ils vont toucher les cœurs des gens avec les émotions. Ils vont sensibiliser les gens pour des fausses causes. Regardez, Abdallah ibn Abbas continue, il dit, alors le Coran fut révélé à l'époque des compagnons, à l'époque d'eux. Aucun d'entre vous fait partie des compagnons. Certains d'entre eux dirent, ne discutez pas avec Quraysh car Allah a dit à leur sujet, Belhum qawmun khasimun. Certains d'entre eux, ils ont dit, discutez pas avec Quraysh. Abdallah ibn Abbas fait partie de la tribu de Quraysh. Tout de suite, il ne veut plus discuter. On n'a pas le temps, les frères, pour que je vous arrête lu en arabe et la traduction. Comme le temps est court, il nous reste quelques minutes. C'est pour ça que je vous lis directement la traduction de l'histoire. Je vous lis directement l'histoire. Sinon, on l'aurait lu en arabe et on aurait traduit. Mais je vous lis directement pour qu'on puisse terminer, Inch'Allah. Regardez donc directement maintenant, il fuit ici le débat. Et il cite un verset qui ils disent, lorsqu'ils disent ne discutez pas avec Quraysh, Allah dit à leur sujet, ce sont plutôt des gens disputeurs, qui polémiquent, khasimoun, qui aiment se disputer. Les frères, ils ont cité un verset ? Ils ont cité un verset. Ce verset, par contre, eh ben, ils l'ont compris comme eux voulaient le comprendre, dans leur contexte. Donc, est-ce que des personnes égarées peuvent citer des textes, mentionner des textes ? Naram. Vous avez la preuve ici. Ils citent un verset du Coran à Abdallah ibn Abbas. Ibn Abbas leur dit, « Je n'avais jamais vu de gens faire autant d'efforts dans l'adoration. » Il part de son constat, Abdallah ibn Abbas, il parle d'eux, « Je n'avais jamais vu de gens faire autant d'efforts dans l'adoration. » Leur visage portait les signes des gens qui veillent la nuit en prière. Donc ils avaient des visages de gens qui prient, des signes de prière, etc. Ils étaient dévoués dans l'adoration. Et leurs mains et leurs genoux indiquaient qu'ils priaient beaucoup. Certains d'entre eux dirent, nous allons lui parler et nous allons débattre avec lui. Donc une partie, on dit, il ne faut pas parler avec lui, pas parler avec Quraysh. Mais d'autres ont dit, si, nous allons discuter avec lui et débattre avec lui. Alors Abdallah ibn Abbas dit, je dis, dites-moi ce que vous reprochez aux neveux et gendres du messager d'Allah, ainsi qu'aux muhajirin et aux ansar. Qui est le neveu et gendre du prophète? Il veut mentionner qui? Ali. Qu'est-ce que vous reprochez à Ali? Alors que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, aujourd'hui je vais donner l'étendard à un homme qu'Allah aime et que son messager aime, c'était Ali ibn Abi Talib. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Alors ils dirent, je demandais, qu'est-ce que vous leur reprochez? Ils ont dit trois choses. Trois choses. Ils reprochaient trois choses. Ces trois choses, alors, il dit, quelles sont-elles, ces trois choses? Dites-moi. Vous avez vu, ils avaient des reproches. Ils reprochent des choses aux compagnons, les émigrés, les Ansar. À l'heure actuelle, ils vont reprocher des choses. À l'heure actuelle, ils vont reprocher des choses. Comme ils ont dit que Ali était mécréant, il ne faut pas s'étonner s'ils vont vous dire que l'État saoudien est mécréant. La famille saoudienne, c'est des mécréants, et les gouverneurs, c'est des mécréants. Il ne faut pas s'étonner. Les compagnons, pour eux, étaient des mécréants. Alors ils dirent, la première chose, c'est, il a accepté le jugement des hommes dans ce qui est du ressort d'Allah, alors qu'Allah a dit, inil hukmu illa lillah. Alors qu'Allah a dit, le jugement n'appartient qu'à Allah. Qu'est-ce que les hommes ont à faire dans le jugement, ils dirent. Alors il dit, je dis, voilà une première. Donc c'est la première chose que vous reprochez. Ils ajoutèrent, la deuxième chose que nous lui reprochons, c'est d'avoir combattu sans faire d'esclaves et sans s'emparer du butin de guerre. Or, si ceux qu'il combat sont des mécréants, kuffar, il est permis d'en faire des esclaves et de s'emparer de leurs biens. Mais si ils ne sont pas des croyants, il n'est pas permis de les combattre. C'est leur deuxième chose qu'ils reprochent. Je dis, voilà la deuxième, voilà le deuxième point, et quel est le troisième? Alors ils dirent, il n'a pas pris le titre d'émir, le prince des croyants, c'est donc qu'il est le prince des mécréants. Vous avez vu la dureté qu'ils avaient? Vous avez vu les jugements qu'ils avaient? Ce n'est pas étonnant, leur affaire n'est pas étonnante à notre époque. Ils dirent, donc il n'a pas pris le titre de prince des croyants, c'est donc qu'il est le prince des mécréants. Je demandais, avez-vous d'autres points à part cela? C'est Abdallah ibn Abbas. Ils dirent, cela est suffisant pour nous. C'est suffisant pour eux pour qu'ils soient un mécréant et que les compagnons parmi eux sont des mécréants pour eux. Alors ils répondirent, c'est suffisant pour nous. Je leur dis, que diriez-vous si je vous citais du Coran et dans la Sunna et de la Sunna ce qui réfute vos points, êtes-vous d'accord? Alors il leur dit, je vais vous réciter ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, ce qui réfute ce que vous pensez. Vous êtes d'accord? Ils dirent oui. Ils dirent oui. Alors il leur dit, concernant votre premier point, avoir accepté le jugement des hommes dans ce qui est du ressort d'Allah, je vais vous indiquer ce qu'Allah a laissé, ce qu'Allah a mentionné dans le livre. C'est-à-dire, vous avez, en ce qui concerne cette question, un jour, lorsque le conflit entre Ali et Muawiya, ils ont appelé pour calmer la dissension et la discorde qu'il y avait entre les croyants. Ils ont appelé à ce qu'on appelle l'arbitrage. Ils ont appelé à l'arbitrage, qu'il y ait un arbitrage entre eux. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils réfutaient et qu'ils revendiquaient le Khawarij. Ils disaient, demander l'arbitrage, donc c'est demander le jugement des hommes, un arbitre, alors que vous avez le Coran. Alors ils ont dit, vous ne revenez pas au jugement d'Allah, mais vous revenez à l'arbitrage de l'homme. C'est ça qu'ils ont dit, que c'est un acte de mécréance. C'est un peu semblable à leur déduction de l'heure actuelle. Alors regardez, Abdallah ibn Abbas va leur dire, vous avez compris l'ambiguïté, regardez ce qu'il va leur dire. Il va leur dire, regardez, le fait par exemple, dans le Coran il est mentionné, le fait par exemple de fixer à un quart de dirham le prix du lapin ou du gibier dans ce genre, par exemple lors de la chasse. Allah dit dans un verset, ô les croyants, ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'ihram. Celui qui va accomplir le pèlerinage, il est en état d'ihram, il n'a pas droit de chasser. Allah dit, ne tuez pas le gibier. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors, soit par quelques bêtes de troupeau, semblables à ceux qu'il a tués, d'après le jugement de deux personnes intègres parmi vous. Dans Surat Al-Ma'ida, Surat 5, verset 95. Donc, c'est-à-dire une personne qui va faire un grand pèlerinage ou un petit pèlerinage, lorsqu'il est en état de pèlerin, de sacralisation, ici, l'état de sacralité, il n'a pas droit de tuer, de chasser, de tuer le gibier. Même lorsqu'on rentre à la Mecque, on n'a pas droit, par exemple, de prendre les branches, de arracher les branches, les arbres. Ça fait partie du comportement dans les lieux sacrés. Une personne, par exemple, qui, alors qu'il était en état de sacralité, en état de pèlerinage, il tue du gibier, alors, ici, il devra faire une compensation. Sa compensation, Allah dit, soit quelques bêtes de troupeau semblables à ceux qu'il a tués. Mais Allah dit, d'après le jugement de deux hommes parmi vous. Donc Allah dit que là, il peut avoir le jugement de deux hommes parmi vous. Puis il dit, Abdallah ibn Abbas continue, il dit, et vous savez que si Allah l'avait voulu, il aurait jugé lui-même et il n'aurait pas laissé cela aux hommes. C'est vrai ou pas? Allah, est-ce qu'il pouvait juger lui-même et donner le jugement dans le verset? Il pouvait. Allah est capable de tout. Allah est capable de tout. Mais Allah, ici, a laissé le jugement aux hommes. A laissé le jugement aux hommes. De même pour l'homme et son épouse. Vous savez, dans un verset, Allah nous dit, lorsqu'il y a un conflit entre l'homme et l'épouse. Alors Allah dit dans un verset, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Allah, une traduction relative du verset, dit, si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un conflit dans un couple, entre la femme et son mari, lorsqu'il y a une mésentente, alors Allah dit dans le Coran, pour qu'il y ait entente et réconciliation, ramenez un arbitre de la famille de l'homme et un arbitre de la famille de la femme. Et Allah dit, et s'ils vraiment ils veulent réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Abdallah ibn Abbas dit, Allah a donc fait du jugement des hommes une sunna préservée. Ai-je répondu à ce point? Lorsqu'il y a un conflit entre l'homme et son épouse, dans un conflit conjugal, il est autorisé de revenir à l'homme pour arbitrer. Eux ont reproché que Muawiya et Ali sont revenus à l'arbitrage d'hommes. Il leur dit, est-ce que j'ai répondu à votre ambiguïté? Ils dirent oui. Ils dirent oui. Il dit en ce qui concerne votre deuxième point, qu'il a combattu sans faire d'esclave ni prendre de butin, auriez-vous pu faire de votre mère Aïcha une esclave avec laquelle vous vous seriez permis ce qui est permis avec d'autres? Si vous dites oui, vous avez rejeté la foi, vous êtes des mécréants. Certains blabès leur dit, vous avez rejeté la foi, car elle est votre mère. Et si vous dites qu'elle n'est pas votre mère, vous avez également rejeté la foi, car Allah dit, ces épouses du prophète sont leur mère. Vous avez donc le choix entre deux égarements, il le dit, choisissant entre deux égarements. Quel que soit votre choix, vous choisirez un égarement. Je dis, c'est-à-dire Abdallah ibn Abbas leur dit, ai-je répondu à ce point? Ils dirent oui. Ils dirent oui. Alors il poursuivit, il dit, en ce qui concerne le troisième point, qu'il aurait renoncé au titre d'émir des croyants, c'est-à-dire de dire je suis le prince des croyants. Alors s'il n'est pas le prince des croyants, ils dirent c'est le prince des mécréants. Alors il dit, je vous donne un exemple, celui que vous agréez. Vous avez entendu le prophète, alayhi salam, a dit au chef des croyants, ô Ali, lorsqu'il a dit à Ali un jour, le prophète avait ordonné à Ali d'écrire. Il a dit, ô Ali, écris ceci. Voici les clauses de la trêve acceptées par le messager d'Allah. Les polythéistes, mushrikoun, répliquèrent: Par Allah, nous ne reconnaissons pas que tu es le messager d'Allah, sinon nous ne t'aurions pas combattu. Alors le messager d'Allah dit à Ali d'écrire. Alors, le messager d'Allah a dit: Oh Allah, tu sais que je suis le messager d'Allah. Le messager ensuite il a dit: Oh Allah, tu sais que je suis le messager d'Allah. Ali, écris ceci. Voici les clauses de la trêve acceptées par Muhammad ibn Abdullah. Le prophète ici a changé de Muhammad, le messager d'Allah, et il a demandé à Ali d'écrire d'après Muhammad, le fils d'Abdallah. Par Allah, le messager d'Allah est meilleur que Ali. Et il n'a pas cessé d'être prophète pour avoir effacé messager d'Allah. Le prophète, même s'il a dit à Ali d'effacer le fait qu'il est le messager d'Allah, il n'a cessé d'être le messager d'Allah. Ibn Abbas affirma ensuite que 2000 d'entre eux sont revenus de leur égarement. 2000 hommes, donc ça veut dire qu'il y avait des milliers face à lui. Des milliers face à lui. 2000 d'entre eux sont revenus de leur égarement. Les autres furent ensuite, les autres, eux ont persisté dans leur égarement. Dans leur égarement. L'imam al-Hakim dit: ce hadith est conforme aux conditions de muslim et il ne l'a pas rapporté. Malgré cela, beaucoup de gens ont répondu à l'appel de l'Khawarij et un groupe des imams de l'islam ont également ici été accusés d'appartenir au groupe de l'Khawarij et plus d'un des rapporteurs de hadith ont été comptés parmi eux. Les spécialistes de ce domaine le savent très bien. C'est malheureusement la conséquence d'une mauvaise compréhension. C'est les paroles de Mohamed Amenjami, ce grand savant. Il dit: de la précipitation de prendre une décision et du manque de sagesse, l'Khawalij croyait être dans la vérité lorsqu'ils prirent les armes contre l'émir des croyants Ali ibn Abi Talib et se sont complètement coupés d'El Muhajirin et d'El Ansar, des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ceux qui pourtant parlaient selon le Coran et dont le Coran parlait, ceux qui ont élevé le Coran et qui furent élevés par le Coran, ceux qui sont les meilleurs de cette umma, de cette communauté, jusqu'à ce que l'érudit de la umma, l'exégète du Coran, Turjuman al-Qur'an, Abdallah ibn Abbas, discute avec eux et leur démontre leur erreur par des preuves venant du Coran et de la Sunna. Et un nombre non négligeable d'entre eux se sont repentis grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on était obligé ce soir, pour terminer, on était obligé ce soir de parler de ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que si ce qui nous est communiqué et réellement l'acte de gens qui se disent musulmans, l'islam est innocent de cela, et à plus forte raison, les musulmans sont innocents de cela. Par contre, mes frères, sachez qu'Allah dans un verset dit: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dans un verset immense dans sourate Al-Baqarah, Allah dit: et certes nous allons vous éprouver par la peur, al-khawf, par la faim, par la perte des biens, par la perte des personnes. Annonce la bonne nouvelle aux patients. Annonce la bonne nouvelle aux patients. Une voiture. Les frères, il y a une Zafira, une Opel Zafira qui gêne pour le propriétaire de cette voiture qui la déplace, Inch'Allah. Donc regardez dans ce verset qui est immense. Mes frères, vous serez éprouvés. La communauté sera éprouvée. Et dans chaque endroit du monde, les musulmans ont leur épreuve. Et chacun selon ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété comme épreuve. Le musulman sera éprouvé dans cette vie d'ici-bas par plusieurs sortes et genres d'épreuves. Et parfois, les musulmans sont éprouvés par la peur. Parfois, les musulmans sont éprouvés par la faim. Parfois, les croyants peuvent être éprouvés par la perte de biens, par la perte de personnes. C'est dans un verset en sourate Al-Baqarah, Allah dit: et certes, nous allons vous éprouver par la peur, par la faim, par la perte de biens, par la perte de personnes, mais Allah dit فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, annonce la bonne nouvelle aux patients. Ceux qui disent إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, lorsqu'un malheur, une épreuve les atteint. Écoutez bien mes frères, ce verset il est immense. Les croyants, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, et ils disent إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, certes nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Alors Allah dit, annonce-leur la bonne nouvelle. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. Regardez, Allah dit, pour eux les salutations de leur Seigneur. Allahu Akbar. Ceux qui sont éprouvés et qui patientent, Allah dit salawatum min rabbihim wa rahma. Les salutations de leur Seigneur. Ce n'est pas un honneur pour les patients? Quel honneur les salutations de ton Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Et Allah dit et sa miséricorde. Alors que les individus, les croyants, chaque personne va connaître la fin, la mort. Et qu'est-ce qu'il demande? C'est qu'Allah lui fasse miséricorde. Allah te dit que lorsque le croyant, lorsque tu es touché par une épreuve, et on sera éprouvé, les musulmans seront éprouvés, les croyants, les gens seront éprouvés. C'est comme cela. Dans un verset, Allah dit « Ahasib an-nas, en yutraku en yakulu amanna, wa hum la yuftanoun. » Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire qu'ils ont cru sans qu'ils soient éprouvés? Alors Allah dit « À eux mes salutations et ma miséricorde. » Et Allah dit « وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهَتَدُونَ » Et eux sont les bien guidés. Et eux sont les bien guidés. Donc voilà la position du musulman, la position de celui qui est attaché à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il réfute toutes ces dérives-là. Et on désapprouve toutes ces dérives-là. Et on dénonce ces dérives-là. Et ce n'est pas nouveau. Et le croyant n'est pas un opportuniste. Le croyant défend la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les musulmans sont innocents de ces choses-là. Alors est-ce que ça, c'est pour attiser l'islamophobie? Est-ce que ça, c'est pour attiser ces choses-là? Ou autre? Le principal, c'est que le musulman dénonce. Le musulman est contre cela. Et l'islam est innocent de cela. Et ça, faut le dire, les frères. Il faut défendre la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut défendre la religion d'Allah. Il faut défendre l'islam. Il faut défendre l'honneur du prophète, alayhi salatu wassalam, que cette religion n'appelle pas à cela. Par contre, maintenant, il faut que les responsables religieux musulmans mettent en garde contre ces dérives-là. Maintenant, on leur posera la question, est-ce que mettre en garde contre ces dérives-là, enseigner la croyance aux musulmans, est-ce que ça divise? Eh bien, si ça divise entre le bien et le faux, alors c'est qu'il y a un bien. Voilà quelques paroles. Le sujet est plus long. Il faut s'instruire, les frères. Il faut apprendre. Ensuite, ces troubles-là, ce qui se passe, on les dénonce. Mais sachez que les troubles vont encore se propager. Ça fait partie des choses qui vont se propager sur Terre. Il faut apprendre. Il faut comprendre. Il faut dénoncer. Il faut enseigner. Il faut enseigner aux jeunes. Il faut apprendre aux jeunes. Et il ne faut pas penser que dénoncer les hérésies et les bidards, les innovations, eh ben, c'est diviser la communauté. Ils ont menti aux jeunes de France. Ils vous ont pris en otage. Nos responsables ont menti aux jeunes de France. Ils ne vous ont jamais enseigné. Ils ne vous ont pas appris la vérité pour que vous puissiez discerner le vrai du faux. Ils vous ont mis en garde contre la voix de nos pieux prédécesseurs. Alors que la voix de nos pieux prédécesseurs, c'était justement de se préserver de ces innovations-là. Et ensuite, ils vous tirent du doigt. Ils vous montrent du doigt lorsqu'il se passe ces choses-là. Qu'ils aient honte. Qu'ils aient honte qu'ils ont pris une responsabilité dont ils ne sont pas à la hauteur. Aujourd'hui, des gens ne regardent que leurs intérêts. C'est leurs intérêts qui passent. C'est diriger les mosquées, diriger ici le côté financier et l'aspect financier, et ils n'ont pas ici enseigné aux jeunes et instruit les jeunes des banlieues. Wallahul musta'an, chacun sera jugé. Ils ont pris des responsabilités dont ils n'étaient pas à la hauteur. Donc aujourd'hui, mes frères, les jeunes, il ne faut pas avoir honte. Il faut le dire, l'islam est innocent de cela. Il faut proclamer ici que l'islam, ici, se désolidarise de ces choses-là. On est innocent de cela. Et il ne faut pas avoir honte d'être sur la sunna du prophète, alayhi salat wa salam. Il faut être fier. On sera éprouvé, vous serez éprouvé. Mais ici, il faut apprendre. Wallahu a'lam, wallahu al-musta'an, wallahu nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yazidana ilman wa an yurzuqana al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu akbar, Allahu akbar.